et nous sommes condamnés à envoyer des messages qui n'arrivent jamais. Sur fréquence Paris pluriel 106.3, comme on est le jeudi. Alors ce soir, on reçoit une association qu'on aime bien qui s'appelle Petit Déj à Frland. Alors de cette association, et là vous allez me dire quel rapport entre Petit Déj à Frland et l'écologie. Eh ben, à la fin de l'émission, j'espère que vous aurez une réponse à cette question. Et si on n'a pas de réponse, c'est pas très grave non plus. Voilà, donc ce soir je reçois Cécile, bonsoir Cécile. Et Judith, bonsoir Judith. Eh bien, qui peut me présenter cette association? Qui peut me dire un peu que fait Petit Déj à Flandre? Alors, d'abord je suis un peu chatouilleuse là-dessus, mais on n'est pas une association, on est un collectif. Ok. Alors attends, je t'arrête Judith parce que j'ai, Cécile, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Pourtant moi je m'entends moi. Alors est-ce que moi je suis online? Alors donc il y a la technique, c'est on va dire, on va improviser parce que c'est ça qui est bien, la radio en direct. Est-ce qu'on peut essayer de mettre de la musique parce que comme ça au moins on essaie de régler les problèmes? Non plus en fait, voilà. Et moi je m'entends, moi, vous m'entendez? Ouais. Eh oui, vous m'entendez. Oui, ah, tout à fait. Bon bah alors c'est étonnant ça. Pourquoi on... Alors là moi j'entends plus le générique par exemple. Donc ça m'a l'air normal puisque c'est la fin du générique. Donc là c'est de la musique. Voilà, donc on va commencer par un acte de résistance, si n'est-ce pas? Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour qu'on quitte. Alors nous revoilà, donc voilà, bah on va mettre les micros à fond, on va voir si ça marche. J'ai l'impression que c'est bof bof, donc voilà, bon j'ai pas prévu une playlist de une heure, hein, donc ça c'est le problème, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir, voilà. Donc on était sur le collectif, donc je vais corriger parce que bon, comme ça n'est pas une assoce, on va dire collectif, peut-être que si on a le temps et qu'on en a envie, on parlera de justement de ces choix-là que font les collectifs quand ils se montent, est-ce qu'on devient une assoce ou pas. Quel est donc l'objet de ce collectif? Eh ben, l'objet l'objet de ce collectif, c'est de distribuer des petits déjeuners tous les matins à deux endroits différents aux réfugiés. Voilà. Ok, ça se déroule où ? Alors, ça se passe sur le quai de Seine. Alors, attends, excuse-moi. Judith, viens à côté de moi parce que j'ai l'impression que mon micro marche. Alors, viens, on va parler dans le même micro, ça va être sympathique. Ça marche. J'ai l'impression que. Là, moi, je m'entends plus du tout. Non, maintenant, je sais. Moi, c'est coupé. Ah, là, je me réentends. Bon, on est désolé, les auditeurs de Fréquence Paris Pluriel. Là, c'est un peu rock and roll. C'est un hommage à Johnny. Hein. Ah, là, j'ai plus de micro. Ah, si, là, c'est bon. Alors, je te passe le mic, Cécile, et je vais voir en régie. Ok. Donc oui, on distribue des petits déjeuners aux réfugiés tous les matins sur le Quai de Seine, au niveau du 31 Quai de Seine. Et avec un autre collectif qui s'appelle Quartier Solidaire, on distribue des petits déjeuners dans le quartier Pajol-Philippe de Girard, également tous les matins, entre 8h30 et 10h, grosso modo. Voilà. Que dire d'autre ? Eh ben, ce sont des petits déjeuners qui sont faits à partir de pain souvent récupéré dans des boulangeries solidaires, avec des choses qu'on tartine sur le pain qu'on récupère lors de collectes dans des supermarchés. L'eau chaude pour faire le thé et le café est souvent chauffée dans les entreprises ou dans des commerce solidaire également, qui nous chauffe l'eau chaude. Le week-end, c'est chauffé par des petites mains qui transportent ces grosses thermos de 16 litres de leur chez eux jusqu'au point de distribution. Et voilà. Alors, je fais un essai de micro. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah, alors on va changer de place juste. Bah, écoute, reste là où tu es, c'est très bien. Okay. Je reviens juste sur un petit truc que tu as dit, mais peut-être que tu veux répondre. Judith, c'est cette eau-là, elle est chauffée par qui ? Parce que ça, c'est... Enfin... Ouais. Oh là là, mais c'est la misère. Bon, bah alors du coup, j'enchaîne. L'eau chaude, c'est chauffé par des entreprises solidaires en fait, qui nous prêtent des locaux au sein de leurs locaux à eux. Ouais. En fait, il y en a deux. Une du côté Pajol, Philippe de Girard, une autre du côté du Quai de Seine. Et ces deux entreprises, au-delà de nous fournir juste des locaux, nous fournissent aussi la possibilité d'avoir accès à leur cantine et nous chauffent l'eau chaude. En fait. Ok, mais c'est des gens. C'est des gens que vous avez rencontrés comment ? Alors, en fait, ce sont des citoyens comme Judith et moi, voilà, des gens du quartier qui ont participé en fait à ces distributions de nourriture, de petits déjeuners, et qui nous ont signalé quand on a manifesté le fait qu'il nous fallait un local pour stocker les denrées, qui ont dit écoutez, nous on travaille. Dans cette entreprise-ci, on va voir avec eux s'il y a moyen de récupérer une petite pièce pour stocker tout ça. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. D'accord. Et donc ça, j'imagine que c'était carrément une énorme surprise, quoi. C'était une énorme, très très bonne surprise. Parce qu'avant, vous faisiez comment ? Avant, on avait un autre local, mais qui était plus loin, qui était sur le quai de Gemap. C'était un petit peu plus compliqué quand on faisait les distributions du coup sur l'avenue de Flandre et puis sur le quai de Seine, d'amener toutes les denrées, les thermos qui sont assez lourdes, etc. Tous ces chariots, de les amener tous les matins du quai de Gemap jusqu'au quai de Seine. Donc ça a été vraiment un grand changement, un confort. Et puis, ça a été extrêmement sympathique. Mais vas-y, prends le micro, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Pour mieux se rendre compte de tout ce que ça nécessite comme matériel, cette distribution de petits déjeuners, on peut décrire peut-être un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Parce que chaque matin... Carrément. On extrait de ce tout petit local, il est ouais. tout petit. Hein. Ouais, c'est un placard, c'est un gros placard. Deux, ouais. C'est tout petit. Et donc, on déboule sur le quai de Seine avec une table à roulettes qui est assez grande, plus deux autres tables qu'on déplie. Donc, on a trois tables, on a au moins deux grands thermos de 16 litres. Donc, c'est des choses assez importantes. Et après, on a donc tous les pots de choses qu'on va tartiner. On prend aussi toujours un classeur dans lequel on range de l'information qu'on va pouvoir donner aux personnes qui en ont besoin. Donc, où se doucher, où avoir un soutien juridique, où avoir des vêtements, où prendre un repas, où apprendre le français. Voilà, on a tous ces documents avec nous, on distribue aussi des produits d'hygiène et donc tout ça, voilà, c'est encombrant, ça prend de la place, donc on part tous les matins avec plusieurs chariots, la table, on fait plusieurs allers-retours pour pouvoir s'installer, donc avoir un local, c'est très très nécessaire. Ah bah oui, c'est-à-dire moi j'y étais mercredi matin ou mardi matin, je sais plus, et effectivement là j'ai trouvé que c'était... très facile quelque part, hein, très pratique, et voilà, on pouvait installer et ranger très facilement, alors que je vois, nous, quand on fait des disco soupes, effectivement, il faut une voiture. Bon, alors, on a plus de matos, quoi, mais voilà, c'est tout de suite compliqué à organiser. Donc là, moi, ce que j'ai trouvé de super, c'est que c'était très simple à faire et que donc, vous pouvez le faire tous les matins, quoi. Voilà. Et on peut le faire tous les matins aussi parce qu'il y a de la main d'œuvre. Ouais. Ça tourne. On est... Donc, en fait, c'est vraiment un collectif, c'est complètement informel. Et on travaille avec un Google Group, en fait, okay. via lequel on va communiquer. Par exemple, quand il n'y a pas assez d'inscrits, on va faire des alertes. Là, pendant les vacances, par exemple, pendant les fêtes, il y a eu okay. plusieurs alertes en disant, voilà, demain, il y a une personne. Le petit déjeuner ne peut pas fonctionner avec une personne. Okay. Il faut être au moins 3-4 okay. pour bien faire tourner le petit-déj. Donc, ça nous permet de nous donner aussi des informations quand on a eu un problème sur un petit-déjeuner ou quand on a cerné un besoin. Si, par exemple, un réfugié a besoin d'une paire de chaussures, et ben on a cette liste où on est à peu près 200 okay. à qui on va pouvoir dire, voilà, est-ce que quelqu'un a une paire de pompes en 42 okay. Et en fait, on débloque plein de situations comme ça. Et donc, tous les jours, je pense que beaucoup de gens lisent ce compte-rendu quotidien qui permet... au petit déjeuner de réellement fonctionner tous les matins et que chacun on est au courant des petits détails qui font que ça peut rouler correctement en fait. Ok, mais les réfugiés qui viennent vous voir en fait vous les voyez tous les matins, enfin ils viennent régulièrement, c'est les mêmes, vous les, enfin au bout d'un moment ça change, enfin comment ça se passe concrètement en fait ça? Alors, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent au petit déjeuner. On voit en ce moment en moyenne je dirais entre 40 et 60 réfugiés tous les matins. En septembre, ils étaient plutôt 180-200. Donc il y a une baisse, d'abord ce qu'on constate, c'est une baisse de la fréquentation des petits déjeuners depuis à peu près début novembre. Ensuite, en effet, c'est plutôt des têtes nouvelles. Ouais, c'est plutôt des gens qui débarquent encore aujourd'hui, le compte-rendu de ce matin, parce qu'on a des comptes-rendus quotidiens qui nous racontent, voilà, on fait le point entre nous, c'est des choses très pratiques, de « il ne reste plus de pain du tout pour demain, attention, il faudra passer en récupérer », à « attention, il y a un robinet qui fuit sur une des deux thermos ». Et on a aussi ce compte-rendu pour ça, pour nous parler, de nous signaler des cas particuliers. Attention, aujourd'hui, il y avait vraiment un de nos invités qui était très, très légèrement vêtu. Si quelqu'un a un pull, une polaire, quelque chose, ne pas hésiter à l'amener. Et puis, on a des choses voilà, sur l'état du pain, ce qui reste. Attention, le stock de lait est en train de baisser dangereusement. Et c'est toujours intéressant pour ça, ces petits comptes-rendus. Quoi. Okay. Et donc... aujourd'hui encore, on a eu dans ce compte-rendu le signalement de quelqu'un de complètement nouveau qui venait d'arriver aujourd'hui, à Paris, et donc au petit-déj aussi, okay. et qui ne savait absolument pas où aller, ni pour se doucher, ni pour... Et on lui a donné toutes ces informations-là dans sa langue ce matin. Il était alors ravi, c'est un grand mot vu la situation, oui. mais au moins il était un peu pris en main, et okay. on le reverra accueilli. Dans les jours qui viennent. Voilà. Accueilli, on espère. Ouais, ouais, d'accord. Non, mais accueilli par vous, je veux dire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est un collectif complètement informel de gens qui viennent de partout, de tous âges, de toutes professions, mais dont je crois aucun n'a un métier spécialisé dans le droit des étrangers et dans l'accueil. Okay. Et en fait, vraiment, il y a des retraités, des enseignants, des infirmières, des artistes, il y a vraiment toutes les professions possibles ou des gens au chômage. Et en fait, chacun, il y a un an, on n'y connaissait rien du tout. Okay. Comment orienter, comment aider, où un réfugié peut se faire soigner gratuitement, parce qu'ils y ont okay. le droit. Souvent, ils nous disent « moi, je n'ai pas de papier, je ne peux pas aller me faire soigner, mais si okay. ». Donc, on a appris tout ça sur le terrain. Et ce compte-rendu quotidien, il nous permet aussi d'apprendre les uns des autres, génial. De se communiquer des informations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable de délivrer une information correcte à quelqu'un de complètement désœuvré qui vient d'arriver, parce qu'on a mutualisé. Okay. Et qu'on a voilà, utilisé les compétences de certains pour traduire en arabe, en pashto, en anglais. Et on a fait des plans pour... Enfin voilà, on a développé des compétences qui ne sont pas du tout les nôtres. Et ça, c'est assez intéressant, je pense. On a appris en un an ou deux des tas de choses. Et c'est, voilà, c'est chouette, ça fait partie de la mobilisation de voir que les gens ils vont chercher les ressources pour pouvoir aider, en fait, et pas que de la ressource alimentaire. Je comprends. Mais justement, juste pour faire un petit point, parce que c'est toujours des questions, j'imagine, un peu compliquées, où vous trouvez la nourriture, en fait ? C'est beaucoup de solidarité, de récupération. Donc, le pain, qui est un peu la base, ouais. Elle est, c'est récupéré chez des boulangers solidaires. Donc, en fait, les bénévoles des petits-déj ont cerné, on va dire, dans le quartier ou dans leur quartier, les boulangers qui donnaient des invendus. Et pour le reste, on fait des collectes. Ça dépend en fonction de notre stock. Toutes les 2 semaines ou tous les mois, on fait une collecte dans un supermarché avec une petite liste qu'on distribue aux gens. Et donc, les gens nous achètent des produits tels que le lait, le thé, le sucre, la confiture et des produits d'hygiène. Et puis, parfois, on bénéficie aussi de collectes dans des entreprises, des gens qui prennent l'initiative. On a eu aussi des enfants qui ont fait une collecte dans leur école, une collecte de produits d'hygiène, et puis ils sont venus nous l'apporter un samedi matin. Mais comment ils avaient entendu parler de ça? Mais je pense que c'est les parents qui donnent aussi une information. C'est... D'accord. Toi, tu l'as fait dans ton école? Dans ce cas, en fait, oui, alors... Donc je suis enseignante, donc dans mon école on a fait ça, on a un carton à l'entrée de l'école dans lequel on met en fait, on a mis une affiche en disant voilà, toutes les semaines on a des besoins qui changent pour distribuer les petits déjeuners aux réfugiés, cette semaine on a besoin de lait, de sucre, de pâte à tartiner au chocolat et à la noisette, et donc les gens donnent assez facilement. La collecte dont tu parles, il me semble que c'était... par l'amie d'une fille qui fait partie du collectif. Mmh. On a aussi une école internationale qui vient tous les samedis matins, une enseignante, des mamans d'élèves, et l'enseignante, je sais, exploite ses élèves et leur fait tartiner 80 sandwichs la veille. Donc tous les samedis matins, les réfugiés ont droit à des super sandwichs pré-tartinés, c'est génial. Okay. Donc voilà, il y a plein de petites initiatives comme ça. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, l'entreprise qui nous prête un local a aussi organisé une levée de fonds auprès de ses employés. Donc on a eu une petite cagnotte assez exceptionnelle au moment de Noël où on a fait wouhou, et aussi une collecte de produits alimentaires, ça c'était super. Et la dernière collecte qu'on a organisée dans, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques là du coup, mais bon, tu fais comme tu veux en fait. Alors donc sur l'avenue de Flandre, on a pas mal de petites surfaces et de grandes surfaces qui nous, qui nous gardent les invendus, par exemple Carrefour City, avenue de Flandre. Merci beaucoup. Voilà. Autant citer les gens. Le casino nous permet d'organiser aussi des collectes dans ces locaux. Le Monoprix de l'avenue de Flandre, le Monoprix de l'avenue Jean Jaurès. Il y a énormément de boulangers solidaires aussi. Je ne pourrais pas tous les citer, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Spécial dédicace à celui de la rue du Maroc. Voilà. Big up. Big up pour le boulanger de la rue du Maroc. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et on réfléchissait justement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on n'est pas une association, c'est bête comme tout, mais on a un petit logo sur notre page Facebook, Petit Déj à Flandre, mais on n'a pas de petit logo à leur donner, de petits macarons à mettre sur leur vitrine pour dire merci, votre commerçant est généreux, votre commerçant est solidaire, et on aimerait beaucoup créer ça. Oui, comme on aimerait beaucoup sur la leur base proposer du carillon, ça. Quoi. Voilà, un peu comme Carillon, exactement. Okay. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est important qu'ils aient une forme de retour sur ce don qui est vraiment un don complet et anonyme. C'est une façon de délivrer un message positif aussi. C'est vrai que quand aujourd'hui dans les médias, on a une image assez négative quand on parle de la migration en général, et ben ça peut être aussi perçu comme un signal positif de coller sur une porte. Voilà, moi je suis un commerçant solidaire avec les personnes migrantes. Tout à fait, parce que finalement, ce qui domine, c'est une espèce de discours très anxiogène, où on nous parle de hordes de réfugiés qui arrivent, d'appels d'air qui pourraient être créés, de vagues successives, etc., avec des images de foule. Et finalement, ce discours-là domine. Et ce qui serait bien, justement, c'est de voir fleurir ces petits macarons sur beaucoup de vitrines, finalement. Les gens se rendraient compte, je pense, du fait que la plupart des Français sont solidaires. Et un sondage est sorti en début de semaine, je ne sais plus dans quel quotidien, parlant du fait que 85% des Français sont favorables à l'accueil des réfugiés en France. Et bien, ce chiffre-là, ce nombre-là, j'aimerais vraiment qu'il soit plus connu. Parce que moi, ça m'a fait du bien en ce début d'année. Ça m'a réconfortée. Et je pense que ça ferait du bien à beaucoup de gens déjà engagés, mais aussi à d'autres personnes qui ont en effet cette interrogation. Il y a des gens même dans notre quartier qui ne savent pas qu'il y a encore des réfugiés à la rue. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème et d'information et de prise en compte de... Alors, pas de ce que j'appellerais moi jamais la crise des réfugiés, mais de la question des réfugiés. La crise de l'accueil. Ouais, c'est plutôt la crise de l'accueil. Mais c'est une vraie question. La crise de l'hospitalité. Oui, c'est une vraie question que ce phénomène des réfugiés nous pose. C'est la question de qui on est en tant que pays et qui on est en tant que citoyen français. Oui. Qu'est-ce qu'on veut comme accueil pour eux, comment on veut se comporter par rapport à ce phénomène qui commence mais qui n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Puis tu as pointé un truc intéressant, c'est-à-dire quand tu as dit que les habitants du quartier ne savaient pas ou ne savent plus qu'il y a encore des réfugiés dans la rue. L'autre fois, on a acheté des duvets et il y a une dame qui m'a dit « Ah, mais il y en a encore ». C'était très déjà, la formulation était un peu bizarre. Et tu l'as compris comment, cette formulation, toi ? Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, on a démantelé les camps visibles, on a démantelé Calais. Et donc, le problème n'existe plus. Okay. Parce qu'en fait, les réfugiés, il y a un ordre de la préfecture et de l'État pour ne plus remonter de camps aujourd'hui à Paris ou dans d'autres villes. On ne veut plus de ces camps, de ces rassemblements. Et donc, à chaque fois que des réfugiés posent des tentes pour s'y réfugier, elles sont systématiquement enlevées ou déchirées ou gazées. Ainsi que leurs biens personnels, que sont leurs duvets ou leurs sacs à dos dans lesquels parfois ils ont des documents essentiels pour faire leur démarche de demande d'asile, qui sont parfois confisqués par les forces de l'ordre. Le petit déjeuner, ça permet de faire une sorte de veille par rapport à tout ça, parce que le matin, au départ, on tartine comme des malades, mais après on discute avec les personnes, avec nos invités, qui nous racontent ce qu'ils ont vécu la nuit. Et ce qu'ils nous racontent, c'est que pour certains, ils vont marcher toute la nuit parce qu'à chaque fois qu'ils se posent, ils sont chassés par la police. Ou pour ceux qui ont des duvets ou des tentes, eh ben, ça ne dure pas plus de 3 jours. Et ces tentes et ces duvets, c'est le fruit de la solidarité. C'est des gens qui donnent de l'argent pour acheter ça, ou c'est des dons. Et en fait, toute cette solidarité, elle est en permanence, depuis plus d'un an, jetée à la poubelle. Et ça, c'est assez usant. Absolument, ce qui constitue un vol, hein, d'ailleurs, en termes juridiques, hein, de prendre les affaires des gens et de les mettre à la poubelle, c'est du vol. On l'a signalé à la mairie de Paris qui nous a dit que c'était interdit de la part de la police. La police n'a pas le droit de faire ça. Okay. Je sais que j'ai entendu parler d'un collectif ou d'une association, là je ne sais pas, à Calais, qui a décidé de marquer chaque vêtement, chaque duvet, chaque sac à dos donné à un réfugié par une association ou un collectif, du nom d'une personne de ce collectif, avec son numéro de téléphone et son adresse email, comme si moi je donnais mon numéro, mon adresse email, que j'écris sur le duvet qu'on distribue. Ça. Comme ça c'est ton duvet en fait. Mais que ce soit bien écrit que si tu prends ça, tu voles les affaires de quelqu'un. Que tu sois policier ou pas, ça ne change rien au problème. Et je voudrais aussi, parce que en effet moi j'ai assisté à des scènes au petit déjeuner où une équipe d'intervention conjointe des forces de l'ordre et d'une équipe de nettoyage de la propreté, qui n'est pas la propreté de la ville de Paris, parce qu'ils prennent des équipes d'autres villes pour ne pas qu'il y ait de lien qui se crée entre les réfugiés et le personnel des équipes de nettoyage de la propreté de la ville de Paris. Donc ils pouvaient faire appel à des équipes de Montreuil, de la proche banlieue, de la petite couronne. Et donc on voit ces scènes de gens qui attendent que nous ayons fini de distribuer les petits déjeuners pour ne pas créer d'esclandre, et qui ensuite passent et demandent aux réfugiés à Pajol, Philippe de Girard, dans ces rues-là, de partir des renfoncements de portes dans lesquels ils ont un matelas, quelques bouts de carton et quelques affaires posées, d'attraper leurs affaires, de partir, de se déplacer de 30 mètres, 40 mètres. À ce moment-là, les policiers sont là juste pour vérifier qu'on obtempère. Et à ce moment-là, les équipes de nettoyage passent et aspergent à grande eau les matelas, les fringues qui restent. On est en janvier 2017, c'était l'année dernière, il fait moins 4, et évidemment tout ça est absolument inutilisable, mais jusqu'à ce qu'il fasse chaud. Donc, donc c'est absurde, c'est des choses qui vont finir à la poubelle, des duvets qui vont finir à la poubelle, des oreillers, des doudounes, enfin tout. Et ça, je l'ai vu faire, et je pense qu'il y a un vrai mal-être qui, au bout d'un an, que ces consignes sont données. Il y a un vrai mal-être aussi dans les forces de police. Ben oui. Il y a des arrêts maladie, des gens qui protestent comme ils peuvent, parce que je ne suis pas certaine qu'ils aient des moyens de vraiment s'opposer aux ordres qu'ils reçoivent. Ouais. Mais il y a un vrai problème d'ordre qui leur est donné par la préfecture de police. Et quand on a des rendez-vous, nous, avec la mairie de Paris, ils se renvoient la balle, évidemment, puisque ce sont deux entités séparées. C'est bien sûr pas la faute de la mairie de Paris, tout est de la faute de la préfecture, mais ça n'a pas de fin. Et vous avez une lecture, vous, sur quelle est la responsabilité politique ? C'est plutôt la préfecture, vous avez l'impression ? Ou vous avez vraiment l'impression qu'il se renvoie la balle et que donc c'est très très difficile à déterminer ? C'est un peu délicat d'y répondre. Quand il y a eu l'hiver dernier, l'histoire des couvertures volées, retirées en pleine nuit, en plein hiver, donc par la police, nous on a fait un communiqué pour signaler ça, suite au témoignage des réfugiés qui avaient ces vols de couvertures. Ensuite, c'est MSF qui a aussi fait un communiqué. Et là, on a commencé à en parler dans la presse. Ok. En même temps, on a envoyé ces lettres à la mairie avec qui, du coup, on a pu avoir un rendez-vous à la mairie de Paris, ouais, qui nous ont dit que prendre les biens, les couvertures, les duvets, ce sont des biens personnels, que c'est interdit, qu'ils allaient faire remonter en préfecture. Et en préfecture, je ne sais plus ce qu'ils ont dit, mais en gros, il y a le président d'un syndicat des forces de police qui est passé à la télévision après et qui a dit que c'était pas eux, que c'était que c'était pas la, que c'était la mairie, enfin voilà, ah, c'était des gens déguisés en flics. Voilà, c'est très délicat après de pointer quelqu'un en particulier. Ok. Ouais, ça mérite une enquête. Oui, voilà. Après c'est compliqué parce que la mairie de Paris donc a beau jeu de dire que c'est une ville solidaire, ouais, une ville refuge. Ils ont un hashtag merveilleux. Fait partie d'un réseau de capitales européennes qui se targuent d'être des villes solidaires avec Barcelone, avec d'autres villes encore. Dans les faits, on a des grilles qui sont installées sous le métro aérien à Stalingrad depuis un an et demi, qui coûtent assez cher, je crois, en location, qui sont là uniquement pour empêcher que des SDF ou des réfugiés s'abritent de la pluie sous le métro aérien. On a des pierres qui ont été posées en face du centre d'hébergement à La Chapelle pour empêcher que des réfugiés dorment de façon confortable. Et là, je ne crois pas que ce soit la préfecture qui ait donné les ordres de poser tout ça. Moi, j'ai écrit à la personne qui nous a reçus en mairie pour savoir c'était quoi ces pierres, parce que j'étais bien naïve. Je n'ai pas eu de réponse, en fait. Elle m'a répondu en me disant qu'ils avaient installé des corbeilles de rue. Mais elle m'a fait un très long mail et elle ne m'a pas parlé des pierres. Comme, parce que moi, les pierres, j'avais suivi parce que justement, on avait fait une Disco Fugees juste avant et... Il y avait un collectif de tailleurs de pierre hein, qui absolument était allé là-bas pour essayer de les qui déplacer. Qui avait travaillé avec nous d'ailleurs. Okay. Ouais. Cœur de pierre solidaire. Pierre et ses amis, voilà. Cœur de pierre solidaire, absolument. Et, non, c'était une belle rencontre, ces tailleurs de pierre, mais c'était aussi également un peu comme pour Judith et pour moi. Hein, je pense que dans notre parcours à nous, c'était un engagement assez spontané. Eux aussi, ça a été une réaction très spontanée. Oui. Vraiment, ils ont vu, ça s'est passé comme ça. Quoi. Frédéric a vu l'article qui parlait de cette installation des pierres, et spontanément, il a cherché quel collectif, quelle association s'occupait un peu des réfugiés dans le coin pour nous contacter. Et pour, en fait, on s'est retrouvés un peu spontanément, hein, des gens de plein de collectifs et d'associations différentes ce soir-là, le soir même du dépôt des pierres. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a pris les contacts les uns des autres, qu'on a réfléchi à mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette histoire de pierres, et qu'eux en sont venus à cette idée de les déplacer, c'était compliqué, il fallait vraiment des moyens très très importants. Et par contre, avec une petite équipe de tailleurs de pierres solidaires, et de graver, d'en faire une espèce d'œuvre d'art, et surtout un rappel à nos principes. Quoi. On a gravé liberté, égalité, fraternité sur ces pierres. Et oui. Ce qui est important aussi, c'est la concertation avec les réfugiés, c'est-à-dire que même s'il y avait des pierres, ça restait quand même un lieu de refuge, c'est-à-dire que les gens se glissaient entre les pierres pour s'abriter malgré tout. C'est un décor très sinistre. C'était terrible. Absolument. Mais voilà, quand il y a eu cette idée des tailleurs de pierre pour intervenir sur les pierres, ils ont discuté aussi avec les réfugiés pour voir leur ressenti, parce que tailler sur les pierres, intervenir sur ces pierres qui ont été installées par je ne sais qui, mais qui forcément a du pouvoir, ça a aussi le pouvoir de ramener la police. Et quand on fait des actions, on réfléchit toujours à ça, c'est-à-dire ne pas ramener les foudres de la police sur les réfugiés. Et comme là, c'était un lieu de refuge, malgré tout, les réfugiés ont été, ils ont discuté avec eux et ils ont participé pour certains à la taille sur la pierre. Certains ont été du coup initiés au burin et au marteau. Absolument. Tu parlais de parcours tout à l'heure. Comment vous vous êtes retrouvés dans ce collectif? Judith, par exemple. Moi, je cherchais un petit peu une association dans laquelle je pouvais m'inscrire de façon simple. Je voyais donc, c'était à l'époque où vraiment le campement entre Stalingrad et Jaurès avait pris toute son ampleur et atteignait, je crois, les 4000 personnes. Un campement à ciel ouvert, très impressionnant. Je me sentais assez démunie face à ça, je ne savais pas trop ce que je pouvais faire. Et en fait, c'est grâce aux réseaux sociaux, j'ai vraiment farfouillé. Et donc, j'ai trouvé ces plateformes de soutien et d'aide aux réfugiés, où il y a énormément d'informations qui circulent. Et je suis tombée sur la page des petits déjeuners. J'ai écrit donc à une des personnes qui était en charge de la page Facebook, en fait. Et, okay. Et voilà, j'ai été faire mon premier petit déjeuner. Et en fait, je pense que c'est un peu pareil pour tous les gens qui débarquent. Hyper vite, hop, on se met dedans, on pousse un chariot, on tartine, on discute avec les gens qui nous entourent, qu'on appelle nos invités, parce qu'on préfère les appeler comme ça plutôt d'accord. que choisir un mot entre migrants, réfugiés ou exilés. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça. Ok, mais t'habitais le quartier ? En fait, j'ai vécu dans ce quartier longtemps avant. Maintenant, je suis au Lila. Mais ouais. Je pense qu'on est un certain nombre à venir maintenant de loin pour venir, enfin de loin, manière de parler, oui. de ne pas être exactement du quartier et à venir participer à ces petits déjeuners. Moi, je suis une ex-habitante de ce quartier. Ok. Et toi, Cécile ? Moi, c'est un peu pareil que Judith. J'ai longtemps vécu à l'étranger, pour le coup. Et quand je suis rentrée en France, j'ai un peu découvert ma capitale autrement. J'ai vu ce camp de réfugiés, en effet, qui atteignait 4000 personnes sur l'avenue de Flandre. Et j'ai trouvé ça, en effet, aussi révoltant que toi. Donc, pareil, j'ai demandé à un certain moteur de recherche qu'on connaît bien, j'ai tapé association distribuant de la nourriture aux réfugiés, enfin quelque chose comme ça, quoi. Hein. Okay. Et assez rapidement, je suis tombée sur la page Facebook des petits déj, où j'ai contacté l'administrateur de la page. Ok. Et qui m'a dit, écoute, ce sera plus simple si tu viens un matin. Mmh. Et oui. Réponse que moi maintenant je fais, puisque je suis bien aussi sûr. Co-administratrice de la page Facebook. Okay. Donc voilà, je fais cette même réponse qu'on m'a faite il y a un an et demi. Viens et puis on t'expliquera tout. Voilà. Ah bah oui, moi c'est ce que j'ai aimé quand je suis passé un matin, c'est voilà, c'est enfantin, enfin tout le monde peut tartiner, tout le monde peut couper du pain, tout le monde peut servir un thé, enfin voilà quoi. Et je pense que pour des gens qui n'ont jamais fait d'humanitaire ou d'associatif avant et que ça peut effrayer, en fait la distribution de nourriture c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose aussi de alors confortable, je ne dirais pas ça quand il fait moins 5, mais c'est quelque chose de qui est accessible à tout le monde, en fait. Tout le monde peut tartiner de la confiture sur des baguettes et tendre ça à quelqu'un qui a faim. C'est vraiment le geste d'accueil de base. Et oui. Voilà. Et après, au-delà de ce geste-là, les gens peuvent venir faire ce geste 3 fois par semaine, en fonction du temps qu'ils ont. Peuvent aussi avoir envie de participer à des réunions avec des élus de la mairie du 18e ou du 19e ou de la mairie de Paris. Peuvent aussi avoir envie de, comme le disait Judith tout à l'heure, quoi, de travailler plus sur le volet informatif et donc de passer du temps à contacter des traducteurs pour traduire les documents qu'on a à distribuer aux réfugiés. Peuvent aussi se poser la question de les nouveaux arrivants dans le collectif. Comment on les forme, en fait, enfin, okay. Comment on peut les aider à ne pas justement tâtonner pour trouver ces informations, comment on peut leur donner accès à des documents qui les éclairent rapidement sur qu'est-ce que c'est qu'un PADA, qu'est-ce que c'est qu'un CADA, qu'est-ce que c'est qu'un CRA, qu'est-ce que c'est qu'un MIE, qu'est-ce que c'est que le DEMI, qu'est-ce que tous ces acronymes qui ne disent absolument rien aux novices et qui exactement. Ne me disaient rien. Et qui ne me disent rien du tout. Et qui, en fait, okay. Sont des choses qu'on rencontre tout le temps quand on doit aider les... Qu'est-ce que c'est qu'un passe dentaire ? Voilà, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un passe dentaire. Maintenant, je sais où il est et à peu près à quelle heure il ouvre, surtout le week-end. Et voilà, c'est le genre d'information. En fait, le fonctionnement du collectif, c'est vraiment basé sur les possibilités de chacun. Et chacun s'investit à la mesure du temps qu'il a et de l'énergie qu'il a à consacrer à tout ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, voilà, un jeudi soir à la radio à expliquer des choses pour le collectif. C'est comme ça qu'on se retrouve un samedi matin à tartiner toujours de la confiture et à distribuer du thé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aussi à faire d'autres choses, peut-être pas complètement dans le collectif. Alors des actions qui sont plus des initiatives... un peu personnel, un peu spontané aussi, mais voilà, à afficher des affiches sur les grilles en disant que ce sont des grilles de la honte. Tout à fait, j'avais adoré ces photos. Voilà. Bah oui, mais ce sont des grilles de la honte. Oui. Petite pause musicale peut-être pour reprendre notre souffle et boire un peu d'eau. la passe tout aussi à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Ils sont tristes à la fête où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra les bons, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal. Alors nous revoilà à l'antenne. Bon, moi je suis tout énervé en fait. C'est moi ça m'insupporte ces histoires de police, ça m'insupporte. Et c'est vrai que moi je me pose toujours la question parce qu'ils n'ont pas le droit effectivement de refuser. Hein. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas le droit de se mettre en grève. Donc l'année dernière, il y a eu quand même des CRS qui se sont tous mis en arrêt maladie le même jour parce que c'est leur seule manière de protester. Absolument. Quelque part. Mmh. Moi, je me pose toujours la question du choix personnel. C'est-à-dire que oui, j'ai un ordre, et en même temps, c'est toujours de ma responsabilité de le suivre ou pas. C'est-à-dire que qui va me surveiller, qui va... Enfin, voilà, quoi. Donc, bon, moi, j'aimerais bien aller voir ces flics, quand même. Enfin, bon, voilà, excusez-moi, c'est bon. Je suis perdu dans mon fil, mais c'est pas grave. Moi, quand j'étais là mardi, enfin mercredi, on s'en fout, j'ai vu des voisins venir avec des chaussettes. Voilà, oui. Des gens qui ont ramené des chaussettes. Quoi. Y a souvent des gens comme ça qui passent, entre guillemets, à l'improviste. Enfin, ouais. C'est, ça arrive beaucoup, image. Ça. Absolument. On a recruté des bénévoles comme ça, qui se sont arrêtés, en fait, et qui nous ont dit « Mais en fait, qu'est-ce que vous faites ?» Okay. Je vous vois de temps en temps le matin, là, quand je pars au travail. J'aime bien passer par le quai parce que c'est plus joli. Et en fait, je ne savais pas que vous faisiez des distributions à des réfugiés. Ah bon, mais comment on fait pour vous aider ? Ben, vous pouvez venir nous aider à tartiner. Mais bon, si en même temps, ça correspond au moment où vous partez au travail, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Vous pouvez toujours nous donner des sous. Et c'est ce qui se passe. Et on a des... Moi, j'ai vu déjà... Alors, j'ai vu quoi ? J'ai vu une petite mamie nous amener 3 pots de confiture. Maison. Yes. À tartiner. J'ai vu une joggeuse passer un matin, s'arrêter 3 secondes et nous tendre un billet de 20 euros. Très sympa. Il y a eu le jogger qui tartine aussi. Ouais. Le jogger qui court, il s'arrête, il tartine comme un ouf pendant 5 minutes et il repart, c'est ça. Est-ce qu'il court pendant qu'il tartine? Ah, ce serait pas mal. Hein. C'est un défi à relever. Ouais. C'est ça. On a les pompiers de Paris qui passent régulièrement avec leurs petits shorts, avec leurs petits shorts, plaisir des yeux, mais qui passent et qui nous font des petits coucous. Voilà, et c'est leur entraînement, ils peuvent pas s'arrêter tellement, ils sont en service dans un sens. Okay. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'ils nous soutiennent. On a proposé un café à l'opération Sentinelle la dernière fois quand ils sont passés, mais ils c'est quoi l'opération Sentinelle? C'est les militaires avec leur, ah oui, Vigipirate, tout ça. Voilà. Ah oui, ok. Ils sont passés, mais ils n'avaient pas trop le droit de s'arrêter non plus pour prendre d'accord. un café. Mais on a eu droit à des grands sourires de leur part. Non, pour en revenir aux voisins, vraiment, les voisins, ouais. entre guillemets, lambda. Non, sur le Quai de Seine, on a plutôt des réactions très positives. Au moment de collecte aussi, on a pu distribuer les flyers pour demander, voilà, on a besoin de dentifrice, etc. Et des gens qui s'arrêtent un peu plus longtemps, qui nous amènent un pack de lait, qui nous disent, ah bon, mais vous faites ça quand? Et on a recruté des bénévoles, comme ça, des gens très impliqués maintenant, petite dédicace à Aude. Et voilà, après, on a des... Moi, j'aime me concentrer plutôt sur les réactions positives, mais on en a eu quelques-unes aussi des très désagréables, surtout du côté Pajol, Philippe de Girard. Où, en fait, ce qui explique que sur le Quai de Seine, on n'ait pas trop de problèmes, c'est que les riverains sont pas... On n'est pas dans leur face, pour faire un bel anglicisme. Mais voilà, on n'est pas dans leur tête. C'est des bureaux juste en face de l'endroit où on distribue. Okay. Il y a des riverains, il y a des habitants sur le Quai de Seine. Mais ils n'ont pas l'air d'être gênés par notre présence le matin entre 8h30 et 9h30, 10h. Et aussi parce qu'on est les seuls à faire des distributions à cet endroit. Ouais. Alors qu'à Pajol et Philippe de Girard, il y a des distributions de petits déjeuners le matin par nous et par Quartier Solidaire. Et puis il y en a le midi, puis il y en a eu le soir. Et ça, ça a duré toute l'année dernière et encore cette année. Et en fait, c'est sous pression. En fait, le quartier est sous pression. C'est une vraie cocotte minute. Avec d'un côté des riverains qui ont vu cette situation de gens complètement démunis s'installer dans ce tout petit micro-quartier. Hein, Pajol, c'est vraiment tout petit. Hein, l'esplanade Nathalie Zarote, c'est vraiment tout petit. Avec 5-6 réfugiés dans un hall, dans un endroit. 10 autres à une entrée d'immeuble. Et en fait, ça s'est maintenu toute l'année dernière. Et il y a une partie des habitants du quartier qui se sont dit « c'est pas possible, on va les aider, on va distribuer de la nourriture ». Quartier Solidaire, notamment, a fait ça. Ce sont des habitants du quartier, des parents d'élèves d'une école rue Pajol, qui ont eu cette réaction de dire « bah non, en fait ». Ils n'ont pas eu la réaction de se dire « on veut pas que nos enfants voient ça ». C'est pas ça leur réaction. Leur réaction, c'est « on veut pas que nos enfants voient ça ». C'est vraiment pas des conditions dignes d'accueil. On veut qu'ils voient la solidarité des gens, on veut que nos enfants aient ça sous les yeux, quoi. Et vraiment cette solidarité, cet accueil. Et puis, il y a eu d'autres réactions qui n'ont pas été dans ce sens-là, qui ont plutôt été dans, et là, je cite un riverain, « Je ne veux plus de ce cloaque en bas de chez moi. Okay. » En parlant d'être humain. Il parle de dégoût à ciel ouvert, c'est quand même d'une violence sans borne. Moi, j'ai vu un voisin excédé le jour de Noël, l'année dernière, nous jeter des sacs poubelles de sa fenêtre en nous disant « Au moins, faites-leur ramasser leurs déchets derrière eux !» Enfin, vraiment un dégueulis de haine abominable. Donc, non, des réactions vraiment plus tendues, plus haineuses. Des riverains sur Pajol et Philippe de Girard. Mais ça, tu le comprends par la géographie du lieu, quoi, quelque part. Et la présence plus longue, enfin... Oui, par le fait que sur le Quai de Seine, les réfugiés ne dorment pas Quai de Seine. Okay. Les réfugiés, en fait, depuis le démantèlement du camp Avenue de Flandre, ouais. et c'était parce qu'il y avait le camp Avenue de Flandre qu'on a commencé à faire les distributions sur le Quai de Seine. Depuis le démantèlement de ce camp, les réfugiés, et c'est la politique de la ville, de la police, de la préfecture, bref, la politique, c'est de les rendre invisibles. Donc de les repousser du centre-ville, bon, 18, 19, 20e arrondissement, on est bien d'accord, on n'est pas dans le centre on de Paris. Dans le centre-ville, hein. Mais même là, ça gêne. Donc même dans ces quartiers-là, il ne faut pas que ça se voit. Donc ils ont été repoussés sous les ponts du périph, littéralement. Sous les ponts du canal Saint-Denis, sous les ponts dans les tunnels à Bobigny, à Aubervilliers. Périph, voilà. Porte de la Chapelle, c'est ça. C'est entre les échangeurs d'autoroutiers, etc. Et du coup, on se retrouve avec un quartier qui n'est pas confronté tous les jours, avec des gens qui sont donc surpris encore. Ah bon, il y a encore des réfugiés à la rue? Ben oui, parce qu'ils ne dorment pas là. Alors qu'à Pajol et Philippe de Girard, les réfugiés dormaient sur place et dorment encore sur place. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quoi, devant des entrées de parking, à jamais plus que 5 ou 6, hein, mais ils y sont. Et c'est vécu par les riverains comme des nuisances. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, ce qu'on peut comprendre, parce que, encore une fois, du côté Pajol, Philippe de Girard, Quartier Solidaire, comme d'autres associations, comme nous, on a pu demander l'installation de toilettes supplémentaires, de toilettes publiques supplémentaires, pour justement qu'il n'y ait pas de problème d'hygiène dans ce micro-quartier. Ouais. On a pu demander un certain nombre de choses à la mairie, et ça nous a toujours, toujours été refusé. Et donc, en effet, il y a eu un problème. Ouais, on nous a demandé l'installation d'une poubelle, et qu'est-ce qu'on nous a fait ? On nous a supprimé le banc sur lequel on faisait les distributions. C'est, je veux dire, au bout d'un moment, il y a une vraie mauvaise volonté, quoi. Ouais. Il y a deux employés municipaux qui un jour sont venus déboulonner le banc public. Mais oui. Ouais. Alors qu'on demandait l'installation de poubelles supplémentaires justement pour décrisper la situation. Et on a fait ce qu'on a pu, hein. On a mis la bonne volonté qu'on a pu à changer de lieu toutes les semaines pour pas que ce soit toujours devant le même immeuble qu'on fasse les distributions. On entend. Ouais, faut pas nous prendre pour des islamo-gauchistes complètement fermés d'esprit. On comprend que ça puisse effrayer des petites mamies le matin, le soir, de voir une queue de 100 personnes qui attendent d'avoir un repas chaud. On peut comprendre ça. Hein. Ouais. Donc on essaye de changer les points de distribution, on essaye de faire en sorte que tout se passe bien, mais il faut dire que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des autorités, et là, encore une fois, en tant que simple citoyenne, je me fiche de savoir si c'est la préfecture, la mairie ou quoi, de l'autre côté, ce qu'on demande, on ne l'a pas. Des choses basiques, des choses qui correspondent aux besoins basiques de l'être humain. Mmh. Se laver, rester digne, rester propre, pouvoir utiliser des toilettes, enfin, la base. Mais... c'est vraiment un accueil là, de merde. C'est pas juste qu'ils font pas la base, c'est qu'ils mettent des bâtons dans les roues là. Donc on est en plus, oui, c'est ça. Un autre niveau de mauvaise volonté. Tout à volonté, fait. Quoi. Puis on peut dire aussi, bon après, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des spécialistes dans le droit d'asile, etc. Mais voilà, on essaye d'y voir clair. Et donc s'il y a ce recours, parce que les gens disent pourquoi ils viennent dans notre quartier. Ouais. Donc pourquoi il y avait ce rassemblement, déjà lors du campement où il y a eu 4000 personnes dans ce quartier, il y a par exemple l'association France Terre d'Asile, oui, qui permet d'accéder aux démarches de demande d'asile, qui est située à Jaurès. Maintenant, il y a des gens encore aujourd'hui qui campent pendant un mois devant les bureaux de cette association pour espérer pouvoir procéder à la demande d'asile. Et pendant ce temps-là, ils ont droit à rien du tout. La demande d'asile, c'est encadré par la loi. Un demandeur d'asile a des droits à la dignité, comme tu disais, le droit au logement, à être abrité, à être assisté juridiquement pour faire ses démarches de demande d'asile, avoir un traducteur pour raconter son histoire. Enfin, bref, tout ça, aujourd'hui, ça n'est pas respecté. Un des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a un délai légal pour faire une demande d'asile quand on rentre sur le territoire français, sauf que les gens n'arrivent pas à faire leur demande dans ce délai. Et donc, quand on a la police qui vient dire aux gens de partir à 10h du matin devant France Terre d'Asile parce qu'ils ne peuvent plus recevoir personne, des fois, il y a des contrôles. Et donc, certaines personnes sont considérées comme des sans-papiers alors qu'ils n'arrivent pas à faire leur demande d'asile. Et donc, ils vont finir en centre de rétention, par exemple. C'est un des exemples où la France enfreint la loi. Absolument. Et sonore, oui. La France enfreint la loi aussi dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Ouais, ça, c'est l'émission qu'on fera le mois prochain parce que absolument, j'ai l'impression que c'est un sujet c'est en un soi. Sujet. Et on n'a pas parlé de chiffres parce que les politiques, ils aiment bien les chiffres, mais selon les dernières maraudes, il y a 1500 personnes qui sont à la rue aujourd'hui dans le nord de Paris, dont 350, entre 350 et 400 mineurs isolés qui sont donc des enfants, des ados. Et oui. Laissés à la rue en proie à tous les dangers de la rue qu'on connaît. Et oui, pour des enfants. Tout à l'heure, on parlait des mauvaises réactions, et vous me disiez aussi que en ligne, au début, ça avait été assez tendu, quoi. Tendu, c'est quoi ? C'était des trolls de Facebook. Je pense que c'était en réalité des riverains du quartier Pajol, okay, Philippe de Girard, qui répondaient à nos posts de façon assez musclée. Okay. Voilà, on choisissait de pas toujours répondre ou de ne pas toujours effacer leur message, en fait, parce que c'était aussi instructif pour les gens qui nous suivent sur notre page Facebook. On a eu un acte de malveillance il y a quelques mois on avait mis en ligne, parce que cet été, en fait, on avait anticipé probablement une baisse des personnes disponibles pour distribuer les petits déjeuners. Donc on avait décidé de regrouper nos forces avec Quartier Solidaire et de faire une distribution de petits déjeuners dans un endroit qui serait à mi-chemin entre leur lieu de distribution et le nôtre, donc devant les jardins des Halles, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du 18e. Et pour des questions pratiques, on avait décidé de mutualiser notre document, le fameux document que tu évoquais tout à l'heure, qui est partagé en ligne, pour que tout simplement savoir combien de personnes sont inscrites tel jour pour faire les distributions. Et donc ce tableau, nous l'avions mis en ligne, on avait mis le lien sur notre page Facebook, et ce tableau a été supprimé deux fois de suite en 12 heures. La première fois, on s'est dit « Oh, ça doit être une mauvaise manipulation de quelqu'un qui ne connaît pas très bien le fonctionnement d'un Google Sheet. » Il y a quelqu'un qui a dit « Je crois que c'est de ma faute. » Oui, oui, il y a quelqu'un qui s'est presque dénoncé un peu, alors que pas du tout. Okay. Évidemment, nous avons des gens qui travaillent dans l'ombre à sauvegarder tous nos documents et qui avaient fait des sauvegardes. Donc il faut des geeks. Qui ont mis en ligne très rapidement le tableau restauré, qui a été effacé de nouveau 3 heures après. Donc là, ce n'est pas une mauvaise manipulation. Là, c'est vraiment un acte de malveillance d'un vilain troll. C'est ça. Donc on a malheureusement retiré le lien de notre page Facebook. Et maintenant, pour s'inscrire sur notre document, eh ben, il faut venir au petit déjeuner au moins une fois et puis faire partie de notre liste de diffusion pour avoir accès au lien. Ok. Là, c'est quoi vos envies par rapport au collectif ? C'est quoi vers quoi vous avez envie d'aller, en fait ? Si vous le savez, enfin si... Alors, par rapport au collectif, je ne peux pas m'exprimer au nom de 175 ou 180 personnes. Toi. Je ne peux pas dire vers où je veux que le collectif aille. Okay. Moi, j'ai envie d'aller vers où, alors ? Vers des choses qui sont plus de l'ordre de l'activisme militant. Voilà. Okay. Je continuerai à aller tartiner ma pâte à tartiner, chocolatée et noisetée tous les samedis matins, puisque mon métier fait que je ne peux pas y être en semaine, mais je continuerai à faire ça régulièrement. Okay. Le petit déjeuner, entre guillemets, de base, nécessaire, geste premier. Mais je souhaite passer à une forme de secouage de puce un peu plus virulent. Okay. Voilà. Je t'entends. C'est à peu près tout. Donc. Ok. Non, c'est déjà pas mal. Je dis ce que tu veux faire. Non, bon, après, pour les petits déjeuners en lui-même, je pense que chacun, à partir du moment où cette aventure a commencé, en fait, on s'est tous dit que ça n'avait pas vocation à continuer. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas besoin de le faire et que les droits soient respectés et qu'on n'ait pas besoin d'être là le matin. C'est ça. Donc, je te rejoins sur ce que tu as dit, Cécile, par rapport au côté... dire, dénoncer, raconter, parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça se passe aujourd'hui. Et puis qu'assez vite, quand on rentre dans le détail de ce que vivent les réfugiés d'un point de vue administratif, bah, c'est vachement compliqué et on perd les gens dans nos récits, je pense. Par exemple, il y a des associations aujourd'hui qui essayent de lutter contre le règlement Dublin. Ils font des manifestations, voilà, venez manifester contre le règlement Dublin. Mais c'est vrai que moi, ça fait partie des aspects qui m'intéressent. C'est comment rassembler des gens, puisque tu disais qu'une majorité, Cécile, de Français sont favorables à l'accueil. Et en fait, plus on va en profondeur dans les nœuds du problème, plus on perd les gens, parce qu'en fait, ça devient technique. Okay. Et il y a un certain vocabulaire à finalement connaître et maîtriser. Et du coup, ça fait partie des points, je trouve, intéressants aussi pour comment se fédérer tout en comprenant les tenants et les aboutissants et comment arriver à communiquer ça finalement à plus de gens. Et si je te comprends bien, tu veux faire de l'éducation populaire sur les questions de la migration pour que ça permette de mobiliser des gens, c'est ça ? Je sais pas, mais d'accord. En tout cas... moi, par mon métier, je vais pas mal dans les milieux scolaires et je sais que les enseignants, ils s'emparent déjà de ce sujet-là. Okay. Ce qu'on n'a pas dit aussi et qui est très important, c'est que les bibliothécaires remplissent déjà ce rôle aussi. Ils sont très mobilisés. Les bibliothécaires mettent à disposition des salles pour les cours de français, par exemple avec les mineurs isolés ou... La bibliothèque aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être le seul lieu d'accueil inconditionnel public ouvert à tous qu'on a okay. en France. Okay. C'est vrai, c'est gratuit. On ne va pas les vous demander vos papiers. Municipales, tu veux dire. Oui, et okay. en fait, ces bibliothèques, il y a des bibliothèques du nord de Paris qui nous donnent des salles pour faire des cours de dessin, pour faire des cours de français. Et ça, c'est essentiel. On parlait des mineurs isolés tout à l'heure, on parle de gens dont les procédures ou les réfugiés adultes, ça dure des mois. Ça, l'autre fois, je parlais avec une famille d'Afghans, ils ont attendu 13 mois avant de passer à l'OFPRA pour raconter leur histoire en espérant d'avoir leur statut. C'est un temps infini. Ils n'ont rien à faire. Oui, donc, quand on est dans la rue, les bibliothèques, moi, souvent, quand j'appelle quelqu'un, un réfugié, parce que j'ai une information à lui communiquer, ou un mineur isolé, il est souvent à la bibliothèque. C'est okay. un lieu de ressources aussi, parce qu'ils ont accès à Internet, ils ont accès ouais. à la langue, à l'apprentissage. Et les bibliothécaires sont solidaires. Ils prêtent des espaces pour les c'est cours. Beau. Alors, je voulais reprendre voulais la parole réagir. Par ouais. rapport à mes envies voilà, d'investissement, d'action. Je sens depuis quelques mois qu'il y a cette espèce de volonté dans d'autres collectifs, dans d'autres associations parisiens, de se rencontrer, de se fédérer, de partager des documents qu'on a, toute cette documentation de où aller se soigner, où aller prendre sa douche. Paris d'Exil a mis en ligne une banque d'informations géniale pour ça sur Paris. Mais je sais que cette envie-là, elle est faite à peu près partout en France, à Calais en ce moment, il y a des états généraux des migrants qui sont faits avec des organisations, des associations, des collectifs qui se rencontrent, qui essayent de se fédérer, de se mettre au diapason, de travailler ensemble. C'est extrêmement difficile de réussir à travailler dans des intercos ou dans des inter-associations. C'est vraiment difficile, mais je sens qu'il y a cette volonté-là aussi. Je sais qu'il y a énormément d'artistes qui sont mobilisés sur la question des réfugiés. Grand Corps Malade, Mathieu Chédid, Agnès B, par son fonds de dotation, a lancé une exposition au Point Éphémère sur justement cette question qu'on se pose tous en ce moment et qui est construire l'accueil. Comment on construit l'accueil? On a beaucoup dénoncé, on va continuer bien sûr à dénoncer la politique de non-accueil et d'invisibilisation des réfugiés en France. La question qu'il faut se poser maintenant et qu'on aimerait que le gouvernement se pose au moment où il propose une loi migrants et droits d'asile, là, en ce moment, à l'Assemblée nationale, on aimerait que la question qui se pose, ce soit pas tellement de comment les renvoyer chez eux, mais de comment les accueillir, comment construire l'accueil. Comment on peut dire à des gens de venir en France et leur dire vous allez attendre 13 mois avant de ne serait-ce que pouvoir faire une demande? C'est pas d'accorder l'accueil à tout le monde. Ça, ce serait un autre débat. C'est un autre débat, ça, ouais. Mais c'est un autre débat. Ouais, mais au moins que les gens qui arrivent chez nous, après des parcours déjà extrêmement traumatisants, n'aient pas à vivre le traumatisme d'un bout de trottoir pendant 6, 9, 12 mois. Avec des enfants. Avec des enfants. Parfois. Parfois, voilà. Mais même quand on a 30 piges et qu'on est un homme qui vient d'Afghanistan, de Syrie, on n'a pas à vivre cette violence-là encore au bout du chemin. C'est pas possible. Moi, je peux pas croire que la France n'a pas les moyens financiers, parce qu'on nous parle beaucoup d'argent, je ne peux pas croire que la France n'a pas les moyens d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés par an. On parle pas de centaines de milliers, comme tout au Bangladesh. On parle pas de millions non plus. Absolument. Ouais, je veux dire, le Bangladesh a accueilli 600 000 réfugiés Rohingyas en 3 mois. C'est un des pays les plus pauvres du monde. D'accord, les camps de réfugiés qui sont en ce moment au Bangladesh ne sont pas des modèles du genre. C'est pas ça l'horreur, qu'on veut d'accord plus, ouais. C'est pas ça qu'on veut. Mais ils ont accueilli ces gens-là dans des camps dédiés. Nous n'avons pas, à ce jour, de camps dédiés en France pour accueillir les réfugiés, à part le centre d'accueil de la Chapelle qui plafonne à 400 personnes et pour lequel il faut des semaines d'attente pour pouvoir ne serait-ce qu'y rentrer. Est-ce que c'est normal? Non. Non, ça, clairement. Enfin, je pense que voilà, on est tous d'accord là-dessus. Il est 21h27. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir pour ce que vous faites. J'encourage donc toutes les Parisiennes et tous les Parisiens qui ont envie de participer, de venir un matin à côté du MK2 Quai de Seine, dans le prolongement, pour venir tartiner, pour venir rencontrer, discuter, partager un moment avec les invités qui seront là. Et voilà, merci beaucoup vraiment pour ce que vous faites et bientôt on se voit pour tartiner ensemble. Bonne merci fin de soirée. J'ai moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi. J'étais